suis juste une simple fille. Oui, mais en méga mindy, je suis plus forte qu'un homme. Et je n'ai peur de personne. Je mets les bandits en fuite et les voleurs en panique. Si on vous a menacé, escroqué ou volé, faites un signe et je serai là. Est-ce un avion? Yeah.